Bon après-midi et merci pour votre fidélité. Il est 13h15 dans nos studios, même heure en France, et l'actualité de la mi-journée de ce jeudi 15 juillet au rendez-vous. Le journal avec Willy Sintaïheura. La mise en onde est assurée par Toussaint Bidimana. D'abord les grandes articulations de ce journal. Pas de cas de disparition forcée au Burundi, comme l'a dit Évariste Ndayishimiye dans une interview accordée à la RFI d'un côté. De l'autre côté, le parti de l'opposition Sénél affirme que ces cas de disparition n'ont pas cessé depuis le lendemain des élections de 2020. Tous les commerçants spéculateurs, que ce soit sur des produits bordis ou d'autres, doivent être sévèrement punis, jusque même à la fermeture de leurs établissements, note figurant dans la correspondance du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Nous avons aussi préparé l'actualité au sein du secteur de l'éducation et c'est jeudi comme à l'accoutumée. La chronique sur les droits de l'enfant est au rendez-vous. Bienvenue. Débutons par l'économie. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique appelle au gouverneur de toutes les provinces du Burundi et le maire de la ville de Bujumbura de sanctionner les commerçants spéculateurs sur des prix officiels des produits bordis, du sucre et du ciment, pour ne citer que cela, jusqu'à la fermeture de ces établissements. Dans une correspondance adressée à ce gouverneur et le maire de la ville de Bujumbura, ce ministère demande aux administratifs à la base d'intervenir afin de décourager sévèrement ce comportement que la population ne cesse de dénoncer en leur infligeant des sanctions exemplaires, y compris des amendes. Politique à présent, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, estime qu'il n'existait pas de cas de disparition forcée au Burundi. Selon le président Ndayishimiye, des criminels se cachent derrière les partis politiques. Dans une interview accordée à la Radio France Internationale ce mercredi, il a expliqué que des gens mal intentionnés après avoir commis des crimes se réfugient au Rwanda. Suivez à ce propos le président de la République du Burundi, il est au micro de nos confrères de la Radio France Internationale RFI. C'est un problème historique. Des criminels toujours veulent se cacher dans des partis politiques. Quand il est criminel. Il n'a pas de parti politique, il n'a pas quoi que ce soit. Plutôt, il fallait dire, celui-là a été arrêté. Est-ce que c'est politique ou il est criminel? Donc, ce que nous faisons, c'est effectivement rendre l'état de droit état de droit. Si vous êtes criminel, nous avons l'obligation de protéger les citoyens, de poursuivre et de juger les criminels. En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez, ah non, telle personne est disparue. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des criminels qui, juste après le crime, ils vont au Rwanda. Et nous n'avons pas le droit d'aller fouiller au Rwanda. Vous savez qu'il y a eu 19 criminels qui ont saccagé une famille, qui ont tué des personnes à Kayanza. Et après, ils ont fui vers le Rwanda. Jusque maintenant, ils sont au Rwanda. Et les gens disent qu'ils sont disparus, mais je sais qu'ils sont quelque part. Et le parti de l'opposition Sénél indique qu'il avait adressé une correspondance au président de la République avant la tenue des élections de 2020 sur les cas de disparition de ses membres. Selon Terence Manilam, bon porte-parole de ce parti, il est regrettable que de tels cas s'observent toujours. Il précise que son parti informe les organes habilités pour aider dans la recherche de ses partisans disparus, mais à moindre effet. Terence Manilambona, il est porte-parole du parti de l'opposition Sénél. C'est un cas qui avait été porté à la connaissance de ce président Nkurunziza, où le parti Sénél avait adressé une correspondance au président juste à la veille des élections, où le parti lui montrait des cas d'assassinat à mobile politique, des cas de disparition forcée des responsables des militants du parti Sénél. Aujourd'hui, on voit que c'est la même situation qui continue. Nous avons beaucoup de cas. On peut évoquer par exemple des cas de Eli Ngomirakiza, le représentant communal du parti Sénél de la commune de Mutimbuzi, qui a été enlevé le 9 juillet 2021. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune trace de sa vie. Nous avons un autre cas aussi de Nahimana Oscar, qui a été enlevé le 28 septembre 2020 à Kirundo. Lui aussi, aucune trace de sa vie. Nous avons aussi un autre cas d'un certain Adelin Kaboura, de Giharo Arutana, qui a été porté disparu le 16 mai 2021, mais son corps a été retrouvé le lendemain déjà décapité. Donc, ce sont des cas les plus récents que nous déplorons, des disparitions forcées. Et nous avons aussi d'autres cas dans la logique de la continuité de l'État. Nous avons par exemple la disparition de Rani Chayenzi, qui a été enlevé le 26 mars 2020 dans les environs de Kamenge, comme nos sources nous l'ont indiqué. Et nous avons aussi un cas aussi de Mita Gojan Beltimas, qui qui a été en révèle le 20 novembre 2019, aussi à Bujumbura. Nous avons aussi un autre cas de Naikenguru Théonesphore, de Minago, à Rumonge, qui a été enlevé en 2019. Nous demandons à ce que tous ceux qui sont en charge de mener ces enquêtes, qu'ils puissent réellement nous montrer où sont nos membres. Si la justice a besoin de quelqu'un ou quelqu'une, le principe serait qu'ils comparaissent devant les juridictions compétentes et qu'ils répondent à ces actes. Nous savons que jusqu'à aujourd'hui, la paix de mort est déjà abolie au Burundi. Éducation à présent, le diplôme d'État désormais délivré après l'analyse de chaque dossier du candidat ayant suivi régulièrement le cursus de formation à la fin de l'enseignement post-fondamental, général, pédagogique ou technique de niveau A2 dans une école officiellement agréée ayant obtenu au moins 50% à l'examen d'État. Cela émane du décret numéro 100/165 du 12 juillet 2021 portant modification du décret numéro 100/192 du 29 juin 2012 portant conditions d'obtention du diplôme d'État au Burundi. Dans ce décret, le candidat n'ayant pas réussi aux examens d'État antérieurs qui désire se présenter à une nouvelle session d'examen d'État a des redevances à payer. Ces redevances sont revues à la hausse en fonction des années de retard ou à des reprises que le candidat a fait. Les enfants issus des groupes marginalisés demandent l'implantation des cantines scolaires, surtout dans des écoles dont le besoin se fait sentir le plus. Cela a été dit au cours d'une session tenue à Rumonge ce mercredi, une réunion qui a regroupé les différents intervenants du secteur de l'éducation et des représentants des enfants vulnérables issus du groupe marginalisé des provinces de Bururi, Makamba, Rumonge, sous l'appui de la coalition Bafashebige. Plus de détails avec Félix Nzorbonanya. L'un des motifs des abandons scolaires chez les élèves issus des groupes marginalisés est la faim qui se vit dans les familles, a indiqué Estela Niyogushima, une des filles élèves issues de la communauté Batwa de la province de Bururi, au cours d'une réunion des différents intervenants dans le domaine de l'éducation dans les provinces de Bururi, Makamba et Rumonge. C'était ce mercredi. Il a indiqué que le problème d'accessibilité, de disponibilité des écoles ne se pose plus dans ces provinces, mais indique que le problème se pose au niveau du maintien de ces enfants vulnérables à l'école à cause de la faim. Il a indiqué les enfants batois, les enfants vivant avec handicap, les enfants albinos, les enfants rapatriés, et ceux issus des familles très démunies, éprouvent des difficultés à terminer eux-mêmes l'école fondamentale. Et demande alors au ministère ayant l'éducation dans ses attributions que des cantines scolaires soient implantées dans les écoles qui ont un grand effectif de ces enfants vulnérables pour les maintenir à l'école. Elle indique qu'il est en train de faire un recensement, une identification des enfants vulnérables qui ont abandonné l'école dans cette province de Bururi grâce à l'appui de la coalition Bafashebige. Un autre parent d'un élève vulnérable ne l'entend pas de cette oreille, mais demande qu'il y ait des projets visant l'autonomisation financière pour ces familles qui ont des enfants vulnérables, afin qu'ils ne passent pas toutes les années à tendre la main pour donner la nourriture, mais qu'elles puissent eux-mêmes mener des activités pour se faire nourrir. Ils demandent que ces projets d'autonomisation financière soient initiés à l'endroit des familles qui ont des élèves vulnérables. Dans cette réunion aussi, d'autres défis qui minent le secteur de l'éducation dans ces provinces du Sud ont été relevés, dont le faible niveau d'encadrement pédagogique, les grossesses non désirées en milieu scolaire, la faible implication des autorités administratives à la base. Et les participants à cette réunion qui se tenait à Rumonge ce mercredi ont décidé de mener des campagnes de sensibilisation dans toutes les communes, grâce à l'appui de la coalition Bafashebige, pour identifier ces élèves vulnérables qui ont abandonné l'école, afin qu'ils retournent sur le banc de l'école avec la prochaine rentrée scolaire. Signalons que ces trois provinces du sud du pays ont des résultats faibles ces dernières années au cours du concours national et aussi à l'examen d'État. Depuis Rumonge, Félix Zorwonanya, bonne échec. Merci Félix Nzorwanagna de Krumonge vers Bujumbura. La pauvreté qui hante les familles batois est l'une des causes majeures de la non-scolarisation de leurs enfants. Mathieu Missilivestre, l'un des intellectuels batois qui le dit, précise cependant que les chiffres des enfants batois scolarisés ont augmenté ces derniers jours. Il demande à l'État et aux bienfaiteurs d'aider pour que les enfants batois s'intéressent le plus aux scolarisations. Alain Yomuchamanza. Cette pauvreté dénoncée par Mathieu Silvestre, un intellectuel de l'ethnie batois, est l'une des causes principales qui empêche les enfants abattoirs à s'intéresser aux études. La problématique de ce phénomène, et c'est tout simplement la pauvreté qui caractérise les familles abattoirs. Dans les familles abattoirs, beaucoup vraiment sont pauvres, et ce qui cause l'incapacité d'envoyer les enfants à l'école. C'est ça le problème majeur que je peux citer. Machoumi Sylvestre, même s'il ne nie pas qu'il y a des enfants abattoirs qui vendent le matériel scolaire qui est à leur disposition, il s'inscrit en faux contre la globalisation. Pas vrai, parce que vous souvenez que les enfants abattoirs n'ont pas l'habitude d'aller à l'école suite aux pauvretés qui caractérisent les familles. Donc, il y a des gens qui prônent ça en disant ceci. Mais en réalité, c'est pas vrai, c'est surtout la manque de moyens. Sylvestre Machoumi précise cependant qu'il y a un pas à franchir tenant compte des statistiques et signale avoir espoir que les effectifs des enfants abattoirs scolarisés vont augmenter. S'il est nécessaire qui les permet d'aller à l'école seront vraiment disponibles, je suis sûr que rien ne pourra pas les empêcher à fréquenter les écoles parce que ce sont des enfants comme tant d'autres. Ils ont la capacité d'apprendre comme tant d'autres. Ils demandent à l'État et à toute autre âme charitable d'aider afin que les enfants détenus abattoirs s'intéressent aux études. Merci Alain Nyomutamanda de la capitale économique Bujumbura vers Makamba. Les agriculteurs de la commune Nyanzalak se disent inquiets des insectes non encore identifiés qui ravagent leur culture. Ils demandent l'intervention de la direction de l'agriculture, élevage et l'environnement avant que le dommage ne soit énorme. La DPAE de Makamba dit avoir envoyé un médecin de plantes sur terre. David Ndarimana nous fait plus. Les habitants de la commune Nyanzalak disent inquiets par des insectes non encore inconnus qui ravagent les cultures. Ils endommagent les feuilles comme les parmiers, le café et autres plantes. Commencé à apparaître au milieu de cette semaine, comme signalent les agriculteurs de la commune Nyanzalak, ils déclarent qu'ils n'avaient pas vu les insectes pareils qui détruisent leurs champs. Comme nous l'avons constaté sur les feuilles des différentes plantes, ces insectes ont une forme de laine. Lorsqu'ils arrivent sur les feuilles, ils ravagent complètement. Il y a même les plantes qui restent nues sans aucune feuille. Ces habitants de la commune Nyanzalak disent qu'ils ont peur d'aller travailler dans le champ car ces insectes encore inconnus, lorsqu'ils les touchent, ils soufflent tellement. Et les travailleurs qui cueillent dans les champs des palmiers demandent maintenant trop d'argent à cause de ces insectes qui apparaissent comme leurs parasites. Ces habitants de la commune Nyanzalak demandent l'intervention rapide de la direction de l'agriculture, élevage et l'environnement dans la commune Nyanzalak avant que le dommage ne soit grave parce que, comme ils ajoutent, le rythme de ces insectes est plus grand. Quant à l'ingénieur Léonie Chimiriman, directrice de l'agriculture, élevage et l'environnement de la province Makamba, déclare qu'après avoir appris l'existence de ces insectes, la direction a envoyé un médecin de plantes. Il demande aux gens d'être patients jusqu'à ce que les sélections de l'espèce de ces insectes et d'autres mesures soient prises. Signalons que jusqu'à maintenant, l'étendue des dégâts n'est pas encore connue. Depuis Makamba, David Ndelemana pour la radio. Bonne FM. Merci David Ndelemana, radio associative indépendante. Bonne FM, je vous rappelle que vous nous captez au 102.4 de Primanga. 87.7 dans la partie sud du Burundi depuis Inandegwe et 96.8 depuis la capitale économique Bujumbura. Sans trop tarder, chronique sur le toit de l'enfant. Chronique sur les droits de l'enfant. Sur Bonne Chèque. La chronique Droits de l'enfant de ce jeudi nous fait parvenir au quartier Kibenga de la zone Kinindo en commune Moa où il s'observe dans certaines avenues des enfants qui quémandent. Le chef de quartier Kibenga, Oscar Bizimana, a indiqué qu'il collabore avec les forces de l'ordre à réintégrer tous ses enfants dans leur propre famille, mais cela à moindre effet. Le point avec Joyce Guilherme Manchimri. C'est la voix d'un enfant dont l'âge compris entre 3 et 5 ans portant des vêtements déchirés et c'est l'un des enfants qui erre dans les heures du soir dans certaines avenues du quartier Kibenga en zone Kinindo, par exemple à l'avenue d'Ilarche, l'avenue Ouragané, communément appelée Kumakara. Ces enfants se remarquent même au sein du quartier. Tous ces enfants tendent la main à toute personne qui sort du bus en rentrant du travail. Certains enfants qui se sont entretenus avec la radio Bonesha FM disent qu'ils habitent au quartier Guissieu de la zone Kanyosha et indiquent qu'ils viennent pour commander l'argent. Moi, j'habite à Guissieu. Oui, je viens toujours ici pour demander de l'argent à ceux qui passent ici. Ces enfants issus des familles démunies disent que ce sont les parents qui les envoient chercher de quoi mettre sous la dent. Maman nous a envoyé pour commander l'argent. Oui, ma mère m'envoie aussi pour demander la farine de manioc. On n'a pas ici un papa qui nous donne son valori. Le chef du quartier Kiwenga affirme que ses enfants viennent de familles démunies et vivent au quartier Guissio et Ruziva. Oscar Wizimana, chef du quartier Kiwenga, indique qu'ils essayent de collaborer avec les forces de l'ordre en réintégrant certains enfants dans leur propre famille tout en les conseillant de couper court avec ce comportement et d'autres enfants sont envoyés dans les centres d'encadrement. Oscar Wizimana précise aussi que le nombre de ces enfants commence à diminuer. La situation est ainsi au moment où ces enfants qui commandent se remarquent seulement au centre-ville en mairie de Bujumbura. Mais maintenant, ils ont déjà envahi les différents quartiers de la capitale économique de Bujumbura. Actualité internationale. À l'international, en Allemagne, selon un nouveau bilan, au moins 19 personnes ont été tuées et environ 70 autres toujours portées disparues dans de violentes pluies et inondations de l'ouest de l'Allemagne où des maisons ont été emportées dans une rivière. Les opérations de secours sont toujours en cours, mais sont perturbées par les accès bloqués. Les autorités appellent les Allemands touchés par ces intempéries à rester chez eux si possible et à se déplacer dans les étages supérieurs si nécessaire. Le bras de fer entre la Pologne et l'Union Européenne devient pertinent, ce que dit le tribunal constitutionnel polonais, contrôlé par le pouvoir, a jugé que les mesures prises par la Cour européenne suite aux réformes judiciaires polonaises étaient contraires à la constitution du pays. Ces mesures d'avril l'an dernier de la Cour européenne de justice, où elle avait ordonné la Pologne de suspendre le fonctionnement de sa chambre disciplinaire. Les autorités européennes estiment que les partialités et l'indépendance de cette instance établie par le gouvernement polonais au sein de la Cour suprême qui a le pouvoir de lever l'immunité des juges n'était pas des mesures que Varsovie n'a jamais appliquées. Au contraire, les autorités polonaises ont saisi le tribunal constitutionnel. Côté européen, la Cour de justice de l'Union européenne a répliqué ce jeudi déclarant que le volet disciplinaire de réforme judiciaire en Pologne n'était pas conforme au droit européen. La Pologne a manqué à ses obligations, déclarant toujours cette Cour de justice européenne. 13h33, minutes, point final à ce journal. Merci pour votre fidélité, merci à tout un chacun pour sa collaboration. Surtout, merci à tous ces pour sa parfaite collaboration technique. Willy Sindayaboula, je vous présente le journal. Bonne suite de programme et un bon après-midi aussi. Bonne chance.